P2OP. En 2014, dur de faire le constat, mon frère. J'écris comme je ressens, j'ai gardé le vrai. Un rien que tu pressens, un tout que je ferai. Laissant parler ma plume sur la vibe de l'avenir. Et traversant la brume en oubliant les soupirs. Ça veut rester un dur en oubliant les autres. Sur la condition d'un audit et de tous ses apôtres. Sans faute, je vais pas laisser passer mon rendez-vous avec le bien qui m'a dit hey, pourquoi pas vous. J'ai arrêté de croire à tout ce que l'on me dit. Tout ça n'est que des mots et au bout c'est l'interdit. Les gens te parlent en te disant toujours qu'il n'y a pas de problème. Je les attends encore au milieu de mes dilemmes. Et tartinant la vie avec une odeur de merde. Et parce que je le veux bien et que les claques se perdent. L'écrivain n'a qu'une envie, c'est de claquer la porte. En retrouvant les émotions du début si fortes. Les décisions de la vie sont toujours dures à prendre. On perd toutes ses envies et sans vouloir se pendre. Avec dérision le souffle du vent toujours m'emporte. Y'a trop de courant d'air et je fermerai ma porte. En quelque sorte je cherche la relation si forte. Sans vouloir payer au milieu de la cohorte. Le système a bouffé ce qu'il me reste et tant pis. Mon cœur bat encore et c'était toujours comme si. J'avais compris à quel point moi je reste vrai. Et j'en ai rien à foutre si je n'obtiens pas le relais. Les textes s'assombrissent mais pas mon moral. En comprenant que le temps en vise ses rafales. Lis bien ce que tu entends et parfois tu comprendras. Que l'écrit reste même si on n'en voit plus les bras. Les gens vivent les émotions toujours que sur le moment. Et passent à autre chose passant du vite au lent. La façade de l'autre est soi-disant importante. Laisse-moi rire de façon dilettante. J'ai monté l'échafaudage et comme un ouvrier. Pour prendre de la hauteur et même les jambes ont plié. Et quand tu restes à genoux tu comprends où tu en es. Et tu te relèves sur la compréhension qui est. Et c'est seulement là que tu vois tes yeux s'ouvrir. En regardant le monde qui est en train de vomir. Sur la haine et le décor. En papier carton, la vie passe vite et moi, faut que je la vive à fond. Et donner sans compter n'est qu'une petite partie. Je n'en retire que les miettes, celles d'un mépris. Alors je me dis, et qu'il en soit ainsi. Marche bien devant celui qui ne vit qu'avec des si. La fin n'aura pas lieu, si les écrits restent. Tu n'as plus qu'à comprendre où en sont mes gestes. Où en sont mes gestes. Les écrits restent. Les écrits restent avec un album de plus. Je sais plus à combien j'en suis, mais ouais, ma carte à puce. Astuce sans ne vivre, toujours que de combine. Et passe ton chemin et fais péter toutes les enzymes. Contact sur le son en dénonçant mes opinions. Et passe-moi le mic que je raconte mes dérisions sur le bitume ces derniers temps. Et le retour aux sources, j'ai bien compris que ce n'était toujours aucune course. Payer de sa personne et voir sécher son corps. Arriver, reprendre la forme, se dire que je suis d'accord. Pas besoin de parler ghetto quand tu vis sur le flow. Appelle-moi l'ancien qui regarde dans son rétro. La polémique me fatigue pendant que ça intrigue les autres de savoir si je vais pourrir comme une figue. Allez, t'en as pas fini avec les quatre lettres de l'oubli. Mes écrits restent, habitue-toi car c'est ainsi. Ouais, c'est ainsi. Les écrits restent. P2OP. Il suffirait parfois d'en faire ce geste. Ici je ne vois que des gens qui retournaient leur veste.